France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. En 2013, Elisabeth, hôtesse de l'air de 48 ans, tend un piège à son père et le frappe avec une dague militaire. En 2010, Frédéric, âgé de 23 ans, massacre son père dans un déchaînement de violence. En 2008, Émilie, âgée de 27 ans, est condamnée à 20 ans de réclusion pour l'assassinat de sa mère, retrouvée découpée en morceaux dans son congélateur. En 1989, Ida, adolescente de 17 ans, abat son père pendant son sommeil. En 1933, il y eut Violette. À l'époque où je régnais sur les cœurs, lorsque d'un geste suprêmement élégant je vis des coupes sur coupe, et j'allumais à la flamme d'un briquet de grande valeur les cigarettes d'Orient avant de m'élancer dans ma Bugatti, je m'avisais que, sans manquer d'argent, mes parents manquaient totalement de chic. Disons le mot, il n'était pas montrable. Violette Nozière, empoisonneuse et parricide. Petite fille de 18 ans et demi, perdue par une vie trop libre, salie par la vie nocturne, les hommages des hommes, victime de ses instincts trop précoces, de ses mauvaises fréquentations et de la faiblesse de ses parents, est en fuite. Demandez le petit parisien, Violette Nozière, un monstre en jupon. Nejma Boikra, de Delphine Lemaire. Demandez le petit parisien, un monstre en jupon là, Violette Nozière. Tout sur l'affaire de l'empoisonneuse. Violette Nozière, elle entre comment dans l'actualité? Eh bien, elle entre dans l'actualité avec un grand crime. Avec un grand crime. Alors, l'action se passe à la fin de l'été, en 1933, à la fin du mois d'août. Dans la nuit du 21 au 22 août, Violette Nozière, qui à l'époque est une jeune fille de 18 ans, c'est la fille unique d'un ménage ouvrier, parce que son père est cheminot et sa mère, mère au foyer. Eh bien, cette nuit-là, elle fait avaler à ses parents un barbiturique additionné avec de l'eau. Et puis après, elle sort. Que fuit-elle, Violette Nozière? Violette, une fois son forfait accompli, elle quitte ce petit appartement, ce deux pièces cuisine de la rue de Madagascar, ce qui est devenu en quelque sorte le lieu de promotion de cette fraction, on va dire, moyenne, un petit peu supérieure des classes populaires, ce qui pour elle est sans doute quelque chose de tout à fait insupportable. Elle doit déplier le lit dans la salle à manger pour dormir la nuit, ce qui peut apparaître d'une certaine manière, par rapport en tout cas aux jeunes filles qu'elle rencontre dans son lycée, même si elle y va plus beaucoup à ce moment-là, comme une certaine forme d'humiliation. Et il y a sans doute l'idée, effectivement, d'être aspiré vers un autre Paris, hein, celui de cette jeunesse ou de cette vie du quartier latin de Montparnasse qu'elle commence à fréquenter à l'époque. Est-ce que Violette Nozière est une jeune fille de son temps? Violette Nozière est inscrite au lycée Fénelon. Elle n'avait pas toujours fait preuve d'une grande assiduité, puisque certains mois, qui comptent 30 jours, elle était absente 29 jours, dit-on, au moment de l'enquête judiciaire. Malgré tout, elle peut incarner un certain nombre de jeunes femmes qui ont davantage soif d'indépendance, et dans un quartier un petit peu particulier, parce que c'est quand même le quartier latin autour de la Sorbonne de cette époque-là, avec des discussions entre jeunes appartenant à une même génération. On est quand même avant la grande crise de 29 qui arrive en France, en fait, de plein fouet, plutôt vers les années donc 1932. Et à ce moment-là, il y a sans doute un espace un petit peu particulier pour une partie de la jeunesse. Ses bars préférés sont le bar de la Sorbonne ou le Palais du Café au 31 boulevard Saint-Michel. Voilà, on parle de son quartier général. Alors, elle fréquente le monde étudiant, mais elle n'est pas encore étudiante. Qu'est-ce qu'elle peut bien chercher, Violette Nozière? Le quartier latin, et déjà le quartier latin, c'est une forme aussi de quête sexuelle comme voie d'ascension sociale. De toute évidence, c'est une façon d'échapper à sa condition. C'est une ruse pour... De la même façon qu'elle arrive au lycée, finalement, de façon assez exceptionnelle. Il faut aussi qu'elle trouve un homme qui puisse l'élever de sa condition première. et pour accéder véritablement à un statut social. Donc de toute façon, c'est aussi le destin d'un bon mariage pour des jeunes filles qui, là, en l'occurrence, est une jeune fille éduquée, donc ça vient blanchir, en fait, sa première condition, fille de cheminot, enfin voilà. Mais pour trouver un bon parti, on voit bien que déjà, il y a des formes de ruse, de bricolage. La condition d'hétéronomie sociale des femmes, c'est-à-dire le fait de dépendre et d'un père, puis d'un mari, pour tout ce qui va concerner l'accès au savoir, l'accès au travail, l'accès à des formes de pouvoir effectif, civil, ne passera que par la cellule familiale. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle prend les devants, en fait. En même temps, elle incarne véritablement une voie possible. Elle peut servir aussi d'exemple par rapport à d'autres jeunes filles qui veulent prendre leur distance par rapport à leur milieu ou à leur famille et qui cherchent évidemment donc un chemin un peu particulier. Un mètre 66, corpulence moyenne, yeux marrons, cheveux châtain foncé, figure ronde, teint ordinaire, assez jolie, élégante. Vêtue d'une robe noire avec un col blanc, manteau noir avec petite fourrure noire brillante au col, chapeau noir, chaussures neuves noires, bas gris foncé à petites mailles ajourées. À quoi ressemble-t-elle ? Alors sur les photographies de l'époque, on la voit comme une jeune fille vêtue à la mode. Elle porte un béret en velours noir penché. Elle porte un grand manteau avec un col de fourrure très volumineux, hein, ce qui sexualise son portrait. Et on la voit avec les yeux mi-clos, le regard lourd, les paupières lourdes. Mais voilà, c'est le portrait de la fleur du mal, hein, qui renvoie à une féminité dangereuse, mystérieuse. Il y a cette coquetterie, le goût des apparences, le rouge à lèvres, les sourcils épilés. Hein. Et puis, on voit son visage pâle, on voit sa main aussi qui apparaît en taches claires. Et ça, c'est très important. Parce que comment a-t-elle tué ses parents? En les empoisonnant. Et dans l'empoisonnement, ce qui est important, c'est le fait de verser le poison. La figure de l'empoisonneuse est une figure très importante dans l'imaginaire du crime. Le crime par empoisonnement, c'est le crime par définition fourbe, le crime des lâches, le crime des faibles, celui qui prend par surprise, à qui l'on fait confiance et qui vient nous tuer en rompant ce lien de familiarité, parce qu'on ne peut empoisonner que ceux avec qui on est familier. On n'empoisonne pas des gens éloignés, sauf évidemment si on est agent secret, mais ce que je veux dire, traditionnellement, le crime d'empoisonnement, c'est les crimes des proches, c'est les crimes de ceux qui appartiennent au commun, à notre commun. Et c'est le crime typiquement féminin. Parce que, voilà, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'arme, il y a juste une substance qui à la fois soigne et empoisonne, en fait. Hein. Il suffit de changer les doses. Bon. C'est aussi des substances avec lesquelles on cuisine, ce sont les plantes, enfin je veux dire tout ça, c'est l'agir, le faire féminin par excellence, c'est le foyer, c'est le crime du foyer. Donc c'est en ça que c'est à la fois exceptionnel et à la fois la quintessence d'une féminité poussée à son paroxysme et qui en devient absolument terrifiante. Les criminologues au XIXe siècle ont dressé le portrait de l'empoisonneuse à la fois cupide et puis noceuse et débauchée. Donc pour les criminologues, il y a deux mobiles de l'empoisonnement. Soit c'est la cupidité, soit c'est la débauche. La nuit du crime, que fait-elle ? La nuit du crime, on ne sait pas trop. Elle sort de l'appartement. Elle habite près du bois de Vincennes. Donc elle sort de son appartement, elle va se promener aux alentours du bois, elle s'assied sur un banc, et puis après, elle rejoint à pied le quartier latin, qui est son quartier de prédilection. Hein, là où elle a la brasserie, qui s'appelle le Palais du Café, qu'elle fréquente avec ses camarades, et elle prend une chambre à l'hôtel. Voilà, Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'elle fait le lendemain. Parce que le lendemain du crime, elle a un emploi du temps tout à fait étonnant. Elle a empoisonné ses parents, et qu'est-ce qu'elle fait le lendemain? Ben, elle fait du shopping. Salon coiffure des Galeries Lafayette le matin, déjeuner au palais du café du quartier Saint-Michel, l'après-midi course, puis la soirée en compagnie de son amie Madeleine. Elle s'achète une robe en soie, elle s'achète un béret, une petite veste, des chaussures, des bijoux. Elle va faire une manucure, elle va chez le coiffeur. Enchaînant la coupole à Montparnasse et le bal Tabarin à Montmartre. Soir, elle va danser. En somme, la noce après le crime. Elle va au bal Tabarin à Montmartre. D'abord, elle a pris un verre avec son amie Madeleine à Montparnasse. Donc, elle a fréquenté les quartiers de la vie nocturne parisienne. Alors, cet emploi du temps, évidemment, a été très commenté par la presse comme signe d'une dépravation incroyable et d'un cynisme incroyable. Comment, pendant que ses parents agonisent, peut-elle acheter une robe et aller danser ? Le sait-elle que ses parents agonisent? Elle les a empoisonnés, mais est-ce qu'elle connaît finalement le sort de eh bien, son père et de sa elle mère? Elle ne le connaît que le soir du 22 août, quand elle revient du bal. Elle ouvre la porte de l'appartement et là, elle trouve son père gisant dans le sang, dans la salle à manger, et elle trouve sa mère inconsciente. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle décroche le tuyau du gaz pour faire croire à un suicide par asphyxie, et puis elle va donner l'alerte en sonnant chez le voisin. Donc voilà, à partir de là, l'affaire commence vraiment. D'ailleurs, je vous présente des articles de presse où on peut apercevoir Violette Nozière. Voici celle-ci. Elle est nue sur le ventre, on aperçoit peu ses seins. Elle a de jolis escarpins. Elle est dans une posture de danseuse. Jeune fille à la dérive qui se prostitue occasionnellement pour mener la grande vie. Voilà ce qui est écrit sur une photo de Violette Nozière, issue de revues pornographiques. Moi, ce qui m'apparaît en premier sur ces, des photos qui sont dites voilà, de soirées intimes où on voit Violette Nozière nue et puis cette espèce de vie bourgeoise derrière le rideau, en fait. Hein, et qui est aussi un blanc-seing pour la débauche avec certaines femmes qui ne vont être que assignée à cet usage. Elle est confrontée de fait à une division du travail sexuel entre les femmes, c'est-à-dire entre travail reproductif et travail non reproductif, c'est-à-dire que pour la bourgeoisie, quel milieu dans lequel elle vient chasser du mari. C'est aussi en ce sens-là qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une violence de la morale bourgeoise. C'est-à-dire que on ne se marie pas avec ces femmes-là, voilà, sauf à faire scandale. Donc, le destin est déjà scellé. Violette Nozière dit vouloir vivre sa vie. C'est ça. Oui, Violette Nozière dit qu'elle veut vivre sa vie. Et donc, il a été dit à ce moment-là que c'était une manière hédoniste, évidemment, donc, d'envisager à ce moment-là sa place dans la société. Alors, c'est marginal, mais ce n'est pas non plus donc, d'une grande rareté. Il existe à ce moment-là un certain nombre de femmes qui refusent un petit peu la société patriarcale, qui refusent également le joug d'un père trop autoritaire ou d'un mari qui serait trop suspicieux ou d'un fiancé qui serait un petit peu donc à l'unisson et qui cherchent aussi évidemment donc une voie là aussi un petit peu donc singulière pour prendre place dans la société. On la trouve dans une boîte de jazz de Pigalle, rue Fontaine, où elle parlait avec le musicien Antillet qui tenait la batterie. Le musicien confirme avoir pris cette fois-là une chambre d'hôtel avec elle, au petit matin, rue Dupéré dans le quartier. Le lendemain, il l'a revue dans un café, puis lui a payé son dîner dans un restaurant du boulevard de Clichy. Entre le lendemain du crime, le mardi 22 août au matin, et le samedi 26 août, une déambulation édifiante de café en boîte de nuit et en hôtel, seul ou avec des hommes, à travers le quartier Épigale, ce haut lieu du Paris nocturne. Le 26 août, à 10h30 du matin, elle a quitté l'hôtel de la rue Dupéré sans bagage. Brigitte Nozière a-t-elle de nombreux amants ou des relations tarifées, le sait-on ? Alors oui, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que Violette a une vie sexuelle qui n'est pas celle d'une jeune fille honnête de son époque. Il y a les relations qu'elle a effectivement avec ses hommes, notamment ces hommes qu'on pense comme des rastaquaires, comme des étrangers. Il y a un juif d'Afrique du Nord, etc. Vous voyez, elle est sexuellement suspecte, mais racialement suspecte aussi au regard des normes de l'époque. Un jazzman. Jean Dabin, lui, est un bon étudiant français, bien de droite, bien d'Action française, mais ça suffit pas à la rétablir. Donc oui, alors prostitution, sans doute. Sans doute a-t-elle besoin effectivement de relations tarifées pour pouvoir acheter les bérets, les fourrures, les beaux manteaux qu'elle porte et qu'elle arbore, enfin qu'on la voit arborer en tout cas sur les photographies. Difficile d'en savoir plus. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Violette est porteuse du mal vénérien, la syphilis, et c'est une maladie qui est incurable, dont les étapes dont l'évolution est effroyable, hein, puisque ça va jusqu'à la paralysie, l'hystérie, la mort, les marques sur le visage, effectivement. Alors Violette n'en est pas là, elle n'est qu'au début, mais elle est porteuse, effectivement, de ce mal vénérien, qui est sans doute l'une des angoisses, l'une des anxiétés les plus importantes de ce début du XXe siècle, avec cette idée extrêmement abominable que ce sont les femmes que l'on suspecte toujours, et la prostituée qui a été érigée en figure majeure, en porteuse effectivement de ce mal. C'est la grande angoisse sanitaire du début du XXe siècle. Il y a un mot abominable pour décrire les gens qui étaient porteurs effectivement de stigmates forts, on disait les avariés, hein, ne pas devenir un avarié. Violette Nozière a contracté la syphilis peu de temps avant de commettre le crime. Est-ce que cela peut avoir une incidence ? Ça a pu avoir une incidence, elle ne s'en explique pas. Il faut peu de choses dans les années 30 pour faire de vous une délinquante sexuelle. Il faut très peu de choses parce que la criminalisation des actes transgressifs, c'est une dynamique qui est là depuis plusieurs décennies et qui ne cesse de se renforcer dans les années 30. Mais il se trouve que Violette Nozière, c'est une figure assez représentative d'une jeunesse subversive qui a des pratiques qui contreviennent complètement non seulement à la morale bourgeoise, mais aussi à un carcan complètement raciste, colonial de la société. Donc avec cet interdit absolu, par exemple, de la sexualité avec des hommes qui ne doivent surtout pas accéder au corps des femmes blanches, dans le fait de se donner la liberté, l'expérimentation sexuelle. En fait, c'est l'idée de choisir entre des hommes. Elle s'arroge les prérogatives et les privilèges du sexe masculin. Au moment où les parents sont découverts, l'enquête commence et Violette Nozière est là. Et puis, elle est interrogée par la police. Et elle donne sa version des faits. Elle donne l'emploi du temps de la journée. Et puis, la mère, qui a survécu au drame, qui est à l'hôpital, donne une autre version. Du coup, l'inspecteur de police a la puce à l'oreille. Et donc, il veut organiser une confrontation entre la mère et la fille pour savoir qui dit la vérité. Et donc, il part à l'hôpital Saint-Antoine, où se trouve Germaine Nozière, avec Violette Nozière. Et Violette Nozière arrive à profiter d'un moment d'inattention pour s'échapper. Donc, voilà, elle s'enfuit, et cette fuite signe, je dirais, sa culpabilité. Donc voilà, à partir de là, l'affaire commence vraiment. Elle doit se voir dans la presse. Bien sûr, on sait qu'elle a acheté le journal pour se tenir au courant des avancées de l'enquête. Hein. Et pendant cette semaine, évidemment, l'enquête avance. La presse s'est complètement emparée du personnage, a construit cette icône du mal, cette fille dévergondée, criminelle, fréquentant des hommes, se prostituant, cette fleur du trottoir. Et elle ne sera arrêtée que 8 jours après son crime. C'est alors par exemple. Quoi donc ? Vous êtes le portrait craché de Violette Nozière. Vous savez, la fille qui a tué ses parents. Ah oui ? Est-ce qu'on peut parler de délation par voie de presse pour Violette Nozière ? Alors pour Violette Nozière, oui, on peut parler de telle manière de délation par voie de presse, puisque le principal protagoniste, qui s'appelait Pinguet, si je ne me trompe pas, tend en quelque sorte un guet-apens, il y a un véritable traquenard. André de Pinguet. C'est-à-dire que il rencontre Violette Nozière, il va flirter plus ou moins avec elle. Il croit la reconnaître. Il a découpé d'ailleurs dans un périodique la photographie de Violette Nozière qu'il a mise dans sa poche. Et quand il l'accoste, il lui dit oh, vous ressemblez beaucoup donc au portrait de la grande criminelle qui est en fuite et que tout le monde recherche. Et à ce moment-là, Violette Nozière ne se laisse pas démonter. Et elle dit oui, c'est vrai. Sur cette photographie, cette jeune femme a mon menton, mon front. Mais évidemment, donc, comme elle n'a pas d'autre réaction pour Pringuet, il ne s'agit pas de Violette Nozière. Alors la presse peut parfois faire des appels à témoins et il faut à ce moment-là, on n'hésite pas à en faire une stratégie éditoriale. Et donc la délation, à ce moment-là, est un argument de vente. La police, certes, elle a ses appareils, ses antennes, sa multitude d'agents connus ou inconnus. Mais elle se met en mouvement dans un univers tout vibrant où chacun de ses pas résonne et trouve un écho. La police cherche, mais tout le monde cherche avec elle. Mieux, le journal précède la police et chacun qui lit le journal et qui est prédisposé par tant de reportages, de films, s'est déjà mis en quête. Avec Violette Nozière, on a Pringuet qui se fera moquer dans la presse. Qui va donc se définir lui-même plus ou moins comme un détective policier, donc amateur. Mais dans d'autres circonstances, en particulier dans le journal Marianne, c'est Marcel Aimé qui va se moquer de Pringuet, mais pas de n'importe quelle façon. Il va insister sur le fait que c'est finalement un délateur de bas étage. Il ne le dit pas de manière aussi explicite que cela, mais la frontière entre ce délateur et une péripatéticienne n'est pas très importante, puisque chacun essaye de monnayer ce qu'il peut avoir en sa possession. Ce qui est important aussi, c'est que on est à un moment de très grand développement de la presse. Regardez aujourd'hui un grand quotidien national, il tire maximum à 400 000 exemplaires, alors que le Petit Parisien, 1933, il tire à 1,6 million exemplaires. Et puis, c'est le moment aussi où s'est mis en place une nouvelle culture visuelle. Par exemple, il y a le phénomène dans les années 30 de Paris Soir, qui joue le tout photographique. Et il y a une très belle formule de Paris Soir pour comprendre dans quel monde on est finalement. Hein. Paris Soir dit « Nous ne nous contentons pas de savoir, nous voulons voir ». Un crime affreux par les crimes vient de se commettre à Paris. Une fille a fait 2 victimes, un ménage des plus unis. L'assassin Violette Nozière, fille unique de 18 ans, empoisonné son père et sa mère. C'est le crime le plus révoltant. Elle passe très vite aux aveux, Violette Nozière. Oui, elle passe très vite aux aveux. D'ailleurs, quand elle est arrêtée, elle ne proteste pas. Elle suit effectivement donc les policiers et elle considère, pour parler familièrement, que finalement l'affaire est pliée. Et donc, elle accepte de suivre les policiers et au juge d'instruction qui l'interroge, elle donne un récit à ce moment-là sans beaucoup de résistance. Il faut s'attarder un petit peu sur le crime qui a été commis. Hein. Le parricide, c'est un crime qui est à la fois très rare et très grave. C'est un crime qui culmine au sommet de la hiérarchie criminelle. Hein, c'est vraiment le crime des crimes. Pourquoi c'est le crime des crimes ? Parce que ça touche au père. Et le père, c'est le pilier de la société civile. Donc, quand vous touchez au père, vous vous touchez au fondement de la société. le parricide est le crime absolu. D'un point de vue politique, c'est tuer ce qui produit de la société, ce qui, sans quoi il n'y a pas de société. Donc c'est la cellule familiale, c'est aussi l'engendrement des générations, c'est-à-dire se couper, se produire soi-même comme enfant sans parents, enfin s'auto-instituer comme premier. Donc c'est aussi des figurations, par exemple, du coup d'État, du renversement, du putsch, etc. Donc c'est aussi en ça c'est ça qu'il faut punir. Violette Nozière passe aux aveux très rapidement. Elle a été confrontée à sa mère et elle a un mobile. Violette Nozière a un mobile et finalement elle l'énonce tout de suite hein, dans le cabinet du juge d'instruction. Elle dit « Si j'ai agi ainsi vis-à-vis de mes parents, c'est parce que mon père abusait de moi depuis l'âge de 12 ans. » Donc voilà, on était parti sur la piste d'un crime cupide et on découvre un inceste. Enfin, on découvre un inceste. Personne ne voudra le voir. Personne ne voudra entendre Violette Nozière. Plus tard, ce sera sur les boulevards à Montmartre, rue de la Chaussée-d'Antin, que tu fuiras ce père, dans les chambres d'hôtel, qui sont les grandes gares de l'amour. Aux croupiers, aux nègres, à tous, tu demanderas de te faire oublier le papa, le petit papa qui violait. Les surréalistes prennent fait et cause pour la parricide. Ils prennent la parole de la parricide pour vrai. Vous avez un poème de Benjamin Perret qui dit « Le petit papa qui violait ». Voilà des termes, évidemment, que n'emploie pas la presse, qui se roule dans l'euphémisme, dans les allusions, qui dit sans dire, etc. C'est intéressant, d'ailleurs, de voir que la poésie, qui en général passe par l'image, par la métaphore, etc., là, elle dit directement les choses. Et ils voient dans le parricide un geste libérateur. Hein. Leur idée, c'est que Violette Nozière, c'est une jeune fille qui voulait se libérer. Elle s'est libérée par la sexualité, et puis elle s'est libérée par le parricide. Et finalement, ils confèrent au geste meurtrier de Violette Nozière une dimension révolutionnaire. Et tous ceux qui font uriner leurs plumes sur le papier de journal, les noirs flaireurs de cadavres, les assassins professionnels à matraque blanche, tous les pères vêtus de rouge pour condamner ou de noir pour faire croire qu'ils défendent, tous s'acharnent sur celle qui est comme le premier marronnier en fleurs, le premier signal du printemps qui balayera leur beau hiver, parce qu'ils sont les pères, ceux qui violent, à côté des mères, celles qui défendent leur mémoire. À suivre, le second épisode, le nom de Violette Nozière. Avec Anne-Emmanuelle de Martigny, auteur de Violette Nozière, La fleur du mal, Frédéric Chauveau, Elsa Dordain, Dominique Khalifa. Avec les voix de Thierry Pietra et Aiden Savarimoutou. À la prise de son, Marc Garvenès. Mixage, Valérie Lavalard. Coordination, Christine Bernard. Le second épisode de l'affaire Violette Nozière, ce sera demain à 13h30. Mais pour l'instant, c'est comme chaque samedi, l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.